Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir dans l'étude de notre risala sur l'explication des noms d'Allah azza wa jal. Al-ismu al-awwal wa al-thani al-ilah wa lafd al-jalala Allah. فما معنى هذا الاسم العظيم أي الله لفظ الجلالة عندما تفضل وألوه المعبود بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم أحسنت. المألوه المعبود على خلقه أجمعين أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. الله هو الذي يستحق العبادة. الله هو المستحق للعبادة. زيد. هو جميع المعاني الألوهية. نعم. ما الدليل؟ تقول أدلة أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة والدليل. وعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم. وعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذا فهمت هذا chaque fois que tu as un nom, un دليل avec لفظ الجلالة ففي الحقيقة c'est un دليل على التوحيد. لماذا؟ لأن لفظ الجلالة الله هو المستحق للعبادة. ما معنى قول المؤلف رحمه الله واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ تفضل. ما معنى هذا الكلام أن جميع أسماء الله ترجع إلى هذا الاسم؟ بل أقول الرحمن الرحيم والخالق من أسماء الله. أحسنت. ولا نقول الله من أسماء الخالق. أحسنت. وكما في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. أدلة كثيرة. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هكذا قال عز وجل الله ثم إلى ستدين الخالق البارئ المصور. Beaucoup de noms dans cette sourate et dans d'autres. هذا سامونتر أن لفظ الجلالة الله أصل جميع الأسماء أو كل كل الأسماء ترجع إليه. C'est pour ça que بعض العلماء قالوا أنه c'est الاسم الأعظم. Dans beaucoup de أدلة on a لفظ اللهم اللهم إني أسألك إلى آخره. Beaucoup de أدلة, beaucoup d'أحاديث في هذا. فما معنى قوله اللهم؟ Ça s'écrit الله à la fin avec un mime. Un mime attaché à لفظ الجلالة. من يذكر؟ نعم يا الله. اللهم c'est بمعنى يا الله. Ils ont enlevé حرف النداء et ils l'ont remplacé par mim. اللهم. وإلا c'est comme si tu dis يا الله. C'est une demande, comme قال أخ. Allah, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala telle chose. Ibn Qayyim له كلام مختصر في هذا. قال رحمه الله كما في جلاء الأفهام. C'est un kitab طيب جلاء الأفهام. C'est sur c'est l'explication de quand on dit sallallahu alayhi wa sallam ay as-salat ala nabi alayhi salatu wa salam. Il a écrit un livre pour expliquer ma'na as-salat wa al-fawa'id etc. Fa qala fi hadha al-kitab la khilaf ay bayna ahli al-ilm anna lafdhat allahumma ma'naha ya Allah wa li hadha la tustamal illa fi at-talab. Tu dis ya allahumma ay quand tu demandes une chose. قال فلا يقال اللهم غفور رحيم. هذا ça se dit pas. لماذا؟ لأن quand tu dis اللهم c'est comme si tu disais يا الله أي une demande. فتو dis pas اللهم غفور رحيم. لا. قال بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني. أي la formulation de demande صيغة السؤال الطلب. قال واختلف النحاء في الميم المشددة من آخر الاسم اللهم. Donc tu as l'offre de Al-Jalala, Hakada, Allah, l'offre de Al-Jalala, et ils ont rajouté un mime. Ça a donné Hakada. Allahumma. Fahadha al-mime, yin shadda, ikhtalavu, ou ikhtalavu al-nuha. Ils ont divergé. Qala. فقال السيبويه زيدت عوضا من حذ من حرف النداء ولذلك لا يجوز عند الجمع بينهما في اختيار الكلام فلا يقال يا اللهم Le mime, il remplace le ya. Enfin, tu ne peux pas dire ya Allahumma. Là, tu dis ya Allah ou tu dis Allahumma. On va rassembler les deux là. Et il a détaillé des autres aqwal. Les qawl sibawi, c'est al-mashhur, c'est le ma'ruf et c'est un qawl tayyib. Donc, hada, c'est une fa'ida sur hada al-lafd qui vient souvent, qui est souvent cité plutôt dans des adillah. Qawluhu Allahumma. Tu sais maintenant que c'est bima'na ya Allah. On a cité cette faïda huna, l'imada, l'yanna, c'est en rapport direct avec le dars précédent, avec l'explication du nom Allah. Allahumma, c'est comme si tu disais ya Allah. Qala, rahimahullahu ta'ala, al-wahid, al-ahad, deux noms qui ont le même sens. Al-ahad et al-wahid, deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalil ala ismi al-ahad, qawluhu azza wa jal, qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Et al-dalil ala al-wahid, qawluhu wa huwa al-wahid al-qahar. Qala rahimahullah, al-wahid al-ahad, huwa alladhi tawahhada bijami' al-kamalat, wa tafarrada bikulli kamal, ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال. فهذا الاسم يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى il est unique, il est seul, عز وجل, أي à avoir les attributs parfaits. فهو الأحد في ذاته, personne ne lui ressemble. C'est l'ahad fi asma'ihi wa sifatihi. Personne n'a les mêmes attributs que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ahad subhanahu fi al-uluhiyya. Il n'y a que lui qui mérite l'adoration. هذه الاسماء الاحد الواحد, c'est des asma qui englobent beaucoup de ma'ani. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ahad fi azamatih. C'est l'ahad fi uluwih. Wa hakada jami' al-sifat. C'est pour ça que ces noms, comme l'offre de Jalala Allah, comme Al-Ahad, comme Al-Wahid, comme Al-Samad, comme Al-Hayy, Al-Qayyum, comme Ataqaddam Ma'ana, c'est des noms qui englobent beaucoup de sens. Faqala rahimahullah, Al-Wahid Al-Ahad, huwa alladhi tawahhada bi jami' al-kamalat. Toutes les perfections, il les possède. Et il n'y a que lui qui les possède, c'est l'Ahad. Amma, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, فما من مخلوق الا ذي فبلس. لماذا؟ لان البرفكسيون سي pour الله سبحانه وتعالى. وتفرد بكل كمال. التفرد c'est le fait de une chose elle est réservée qu'à الله سبحانه وتعالى. ça ressemble au mot توحيد, التفرد, الاحد, tous ces mots ça a le même معنى. قال ومجد وجلال. toutes ces معاني Inch'Allah, ta'ti ma'ana dans بعض الاسماء. اسم المجيد, اسم الجليل, on verra أن في ثبوته لله عز وجل نظر. Certains savants disent que من اسمائه الجليل, d'autres disent non. وصفة الجمال من اسم الجميل, هذا الاسم الثابت. والحمد والحكمة, الحميد, الحكيم, الرحمة, الرحيم. Tout ça, on n'a pas besoin de détailler الآن. Inch'Allah, ça viendra avec nous في هذا الكتاب. وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته وقوميته. نعم ينظر في سبق قيوميته. قال وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته موصوف بغاية الكمال. توسى تقدم معنا في القواعد المثلى أن صفات الله عز وجل عليا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالله سبحانه وتعالى il est unique dans ses noms, dans ses attributs. Rien ne lui ressemble. Et كذلك, ses attributs sont parfaits. قال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات فيجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا. Ça, c'est الثمرة. Si tu as compris le sens de ces deux noms, Al-Ahad et Al-Wahid, en Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique fi rububiyyati. C'est le créateur. C'est le seul créateur. Celui qui donne, celui qui élève, celui qui rabaisse, celui qui guide, celui qui égare, qui il veut, azza wa jal. Kadhalik, c'est Al-Wahid, Al-Ahad fi asma'ihi wa sifatihi. Il n'y a que lui qui est capable de toutes choses, il n'y a que lui qui voit tout, il n'y a que lui qui entend tout. Rahmatuhu wasi'at. Il est unique fi hadhihi al-umur. Si tu as compris hada, fawahidhu fi al-uluhiyya fi al-ibada. Que ça soit avec ton cœur. Hada qawluhu aqdan. Aqdan ay fi aqidatik, ay fi qalbik. Faqawluhu fayajib ala al-abid tawahiduhu aqdan. Ay avec a'mal al-qulub. Fala takhaf illa min Allah. Wala tarju illa Allah. Ou تعظم التعظيم ال qui est accompagné de mahabba wa tawqir wa tadhallul wa ta'abbud ka Allah subhanahu wa ta'ala wa hakadha jami' a'mal al-qulub. Ça, في الحقيقة, si on a compris هذا الاسم et on s'efforce à le mettre en application, ça va nous ouvrir beaucoup de portes dans notre din et vie de dunya. On n'aura pas peur du risque. On n'aura pas peur de l'avenir. On n'aura pas peur des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'aura pas peur de shaitan. Kadhalik, on placera notre confiance en Allah. Kadhalik, on aimera plus Allah. Kadhalik, on espérera la récompense d'Allah. Parce si tu es sincère dans une œuvre, مثلاً, et tu as suivi le prophète alayhi salatu wa salam, ou un tel parmi les gens, il te critique. Si tu connais هذا الاسم, avec les autres noms qu'on a vus le dars précédent, les autres noms qu'on verra, tu verras que ça va renforcer ta aqida. Allah, c'est l'ahad, c'est le wahid. C'est lui qui voit, c'est lui qui entend, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans le cœur, c'est lui qui accepte les œuvres. Maintenant, le wahid, il va te critiquer. Et en toi, tu as été sincère et tu as suivi le Nabi alayhi salatu wasalam. Est-ce que, fil haqiqa, ça doit nous toucher à un point, anna, on désespère, ou ça nous rend triste, ou on délaisse l'œuvre? Na'oudou billah. Tu seras critiqué, min al-kafara, min ahl al-bid'a, min al-juhal. Fahada labud. On vit fi al-dunya. Lakin, celui qui est qawi fi hada al-bab, comme on répète souvent, et c'est le but de hadihi al-risala, bi idnillahi azza wa jal, il donnera de l'importance aux choses importantes. Et la chose la plus importante, c'est tahqiq. Hadihi al-ma'ani al-azim. Et c'est mahabbatullah. Que Allah il t'aime, et que toi tu l'aimes, et tu fasses des efforts pour qu'il t'aime. Et les gens, tu les laisseras à leur place. On fait pas pour les gens. Amma, si هذه المعاني تغيب عنا أو تضعف عندنا أو نجهلها, on ignore ses sens, ou on est insouciant à cause des ma'asi, à cause de dunya, et on oublie, ربما واحد va te critiquer, ça te fera beaucoup de mal. Ou واحد va pas te complimenter pour telle chose, ça va te faire beaucoup de mal. Amma, celui qui se rappelle de هذا, فالحمد لله صبليد جدا. فتأمل قوله فيجب على العبيد توحيده عقدا. Tous les أعمال du cœur, c'est que pour Allah سبحانه وتعالى. C'est des adorations du cœur. العبادة إما لقلبية, avec le cœur, إما avec la langue. فلهذا قال وقولا. لماذا؟ لأنه هو الأحد. C'est le seul سبحانه qui mérite l'adoration. On doit l'adorer كذلك avec notre langue. On récite le Coran, c'est pour Allah, Azza wa Jal. On fait du dhikr, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. On montre le bien, ou on interdit, ou plutôt on réprimande le mal avec notre langue, c'est pour Allah, Azza wa Jal. C'est pas pour un tel ou un tel. Qawluhu wa amalan, ça c'est les œuvres des membres. Amal al-jawarih. Qala bi an ya'tarifu bi kamalihi al-mutlaq wa tafarrudihi bil-wahdaniya wa yufriduhu bi anwa' al-ibadah. Aïe, ça c'est « al-thamra al-azima » de « هذا الاسم ». Et كذلك du ism précédent, l'ofd al-jalala, Allah, comme on a cité, « ولله الحمد » ensemble. فَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْأَسْمَى. فَالْحَقِيقَ, ça va donner un fruit طيب dans le cœur du عبد. كذلك sa langue et ses membres. أَنَّهُ سَيُعَلِّقْ قَلْبَهُ وَبِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Il aura plus peur des gens. En apprenant ces noms, tu vas connaître réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك, ça va te permettre, si tu connais Allah azza wa jal, de connaître la créature. de connaître les êtres humains. Annahum, ils ont les mêmes faiblesses que tu as. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbul Jami'. Enfin, celui qui veut avancer et qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Saadi rahimahullah, fi hadihi al-risala, celle qu'on a citée hier, Tadkurun, ou le dars précédent, Fathur Rahim, Al-Malik Al-Allam, il a résumé هذا الاسم أو سيدنا الواحد الأحد بقوله رحمه الله فأحديته أي أنه سالواحد سعصمل وحدانيته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة. Tout ce كلام qu'on a lu ensemble et qu'on a expliqué, tu peux le résumer en trois points. قال نفي المثل والند والكفء من جميع الوجوه. أولا, je retire de هذه المعاني العظيمة أن الله سبحانه وتعالى c'est l'أحد, c'est l'unique, أنه لا مثيل له سبحانه وتعالى ولا ند ولا شريك. الله سبحانه وتعالى il n'a pas de semblable, rien ne ressemble à Allah سبحانه وتعالى من جميع الوجوه, من جميع الوجوه, كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc, tu as stavid min hada, on en fait attention au tamthil. Cette bid'a, ayyadan billah, hada dhalal qui est répandu inda kathirin min an-nas. C'est pour ça que ça les a poussés à déformer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à les rejeter, comme on a expliqué ensemble, walillahi alhamd, fi al-qawa'id al-mutla. Fanahnu na'taqid anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique fi dhatih et il a des attributs. كذلك il est unique fi af'alih, ay il fait certaines choses Allah subhanahu wa ta'ala quand il veut, comme il veut, et il ne ressemble pas à la créature. فلهذا en tant que أهل السنة ولله الحمد, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus des cieux, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a des doigts. Est-ce que ça implique, comme il pense بعض الجهال, أنه c'est une ressemblance aux créatures? أبدا ليس كمثله شيء. Allah c'est l'أحد, il est unique. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a informé qu'il a un visage, qu'il a deux mains, qu'il a des doigts, qu'il a des yeux. Subhanahu, annahu il descend le dernier tiers de la nuit, annahu il se met en colère, annahu il rit, yadhak, wa hakada. Toutes les sifat qu'on a déjà vues ensemble, qui sont citées walillahi alhamd fil Qur'an wa sunnah. Celui qui connaît sa aqida et qui connaît hadhihi al-asma, il tombera pas iyadan billahi fi hadha al-inhiraf. Il y en a كثيرا من الناس, quand ils entendent mit hadhihi as-sifat, ils pensent annahu il y a une ressemblance. Wali hadha imma yu'attilu, il rejette, comme fa'ala al-mu'tazila wal-jahmiya wa ghayruhum min al-mu'attila, imma iyadan billah il va déformer, il va dire na'am Allah il a des mains, lakin ça veut dire kadha. T'as pas besoin de déformer, de chercher une explication autre que la vérité. Limadha li'anna Allah azza wa jall c'est l'ahad. Il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Enfin, les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme les mains des êtres humains. Fala tud'ib nafsak. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ahad, c'est l'awwal. Allah subhanahu wa ta'ala, il existait, les êtres humains, ils n'existaient pas, il avait des mains. Fala limada, tu penses que ces mains, ils ressemblent aux mains de la créature. Iyadan billah. Thaniyan, donc le premier point, nafi at-tamthil. Le deuxième point, wa ithbat jami' sifat al-kamal bihayth لا يفوته منها صفة ولا نعد دال على الجلال والجمال. Allah subhanahu wa ta'ala il a tous les attributs parfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a cité certains de ces attributs dans le Coran. Et il les a révélés au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala il a sifatu al-rahma wal-quwa wal-qudra wal-sam'u wal-basar wal-ilm wal-hayat. Toutes ces sifat, c'est des sifat parfaits. فنثبتها لله عز وجل. لماذا؟ لأنه c'est l'ahad. Et toutes les perfections, il les possède. Et هذا الإثبات avec le premier point, نفي التمثيل وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب, فالحقيقة c'est عقيدة السلف. On fait du إثبات et on fait du نفي. ليس كمثله شيء. Ça c'est du نفي. نفي quoi? Al-mithliya, ay rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on fait du ithbat, wa huwa as-sami'u al-basir. Et c'est des attributs parfaits. Enfin, ces deux points, ils sont très très importants, an-nafi wal-ithbat. Qala thalithan, وأن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها. ثم إلى سيتي قول الله عز وجل وأن قال وأن إلى ربك المنتهى. نعم من سورة النمل. وأن إلى ربك المنتهى أي أن الله سبحانه وتعالى الصفات التي نثبتها فهذه صفات كاملة. Et personne ne les possède. Ça veut dire quoi هذا؟ Et ça c'est un kalam mufid جدا. قد يقول قائل ما نحن كذلك نفوه. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال وهو السميع البصير. Et Allah il voit, c'est le basir. كذلك أنت en tant qu'être humain tu entends. Et Allah subhanahu wa ta'ala il entend. لكن les صفات d'Allah subhanahu wa ta'ala قال هنا وأن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها. C'est incomparable avec ta vue, avec ton ouïe, avec ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hayy. فنثبت له صفة الحياة أنه c'est le vivant. Cette vie في حق الله عز وجل elle est parfaite. فنثبتها en tant que vie parfaite et qui n'a aucun défaut. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours existé, c'est l'awwal. Il existera toujours. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas touché par la mort, par le sommeil, par les maladies, par l'oubli. C'est une vie parfaite. أنت, tu as كذلك l'attribut de la vie. Lakin, c'est une vie d'être humain. Tu n'existais pas. C'est Allah qui t'a créé. Tu goûteras à la mort. Et chaque être humain, il sera éternel. Lakin, après avoir goûté la mort, et cette éternité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Et kadhalik, cette vie, elle est faite de défauts, de manquements, de faiblesses, d'imperfections. Il a akhir. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Enfin, ces trois points, ils sont très très importants pour comprendre هذان الاسمان الأحد الواحد. Et tout ça, ça va te donner une thamara azima. Et on l'a déjà cité, on l'a recité هنا. إذا تقرر هذا المعتقد في قلبك, ça va te pousser à adorer Allah عز وجل seul. لماذا؟ لأنه il te voit, il t'entend. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te donne, c'est lui qui te jugera, c'est lui qui t'aide quand t'as besoin. C'est lui qui peut te répondre si tu lui demandes. Enfin, tout ça, ça implique que tu l'adores seul, subhanahu wa ta'ala. Enfin, ces deux noms, ils sont très très importants. Al-Ahad et Al-Wahid. Thumma qala rahimahullah, wa min asma'ihi al-husna al-ali al-a'la. Deux autres noms, kadhalik, qui ont la même ma'na. En général, ils citent les noms qui ont le même sens ensemble ou qui ont un sens à peu près équivalent. Et si il ne les cite pas ensemble, il va expliquer, il va citer des kalams plutôt de Shir Sadi qui explique, et quand il recitera le nom, celui qui a rassemblé le Risala, le Mu'allif, il dira on a déjà expliqué ce nom dans tel endroit, telle page. Amma huna, il a cité ces deux noms, Al-Ali ou Al-A'la. Et il y a un autre nom qui ressemble et qu'il n'a pas cité, Al-Muta'al. Al-Muta'al, Azza wa Jal. Qala min asma'ihi al-husna, Al-Ali, Al-A'la. Wa dhalika dallun ala anna jami' ma'ani al-ulu thabitatun lillahi min kulli wajh. Falahu ulu al-dhat. Al-Ali ou Al-A'la, c'est le même sens. C'est Al-A'la, c'est plus fort. Ala Sirat Mubalagha. Et ces deux noms, ils englobent l'attribut Sifatu Al-Ulu. Et Al-Ulu, c'est le fait d'être au-dessus. Fallah subhanahu wa ta'ala, c'est l'Ali, c'est celui qui est au-dessus. Et Kadhalik, c'est l'A'la. Et c'est, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le plus haut. Azza wa Jal. فمن أسمائه الحسنى العلي الأعلى وذلك دال على أن جميع معاني العلو الثابتة لله من كل وجه فله علو الذات. هنا رحمه الله إلى ستة قسم من أقسام العلو ثم dans le kalam suivant les deux autres. فالعلو على ثلاثة أقسام. Il va les citer. علو الذات وعلو الصفة وعلو القهر. Il va les expliquer واحد واحد. قوله فله علو الذات فهذا هذا العلو أنكره كثير من أهل البدع. أي أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de ses créatures, c'est l'Ali, C'est l'a'la bizatih, et lui-même. Kathirun min ahli al-bid'a wa al-dalal, ils ont accepté les deux autres catégories. Amma hadhi anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus lui-même, fa ankaruha. Et incha'Allah, on détaillera ce point dans Sharh al-Wasitiyya, après ce livre. Idha sha'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a déjà expliqué hadha fi al-iqtisad wa fi al-lamiyya, et dans d'autres livres ensemble. Et هنا il a cité une brève explication. قال وهو أنه مستوى على عرشه كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. Et l'arche, c'est la plus haute créature, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du arche, enfin, il est au-dessus de ces créatures. قال فوق جميع خلقه. Ça c'est عقيدته أهل السنة. Et les ulama, ils ont cité beaucoup de preuves fi ulou al-dhat. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il est au-dessus des créatures. Des centaines, pardon, ils disent des milliers de preuves fi al-ulou. C'est la sifat, ou c'est une des sifat où il y a le plus de adillah. Wa ma'a hadha, tu trouves anna ahl al-bid'a wa al-mu'attilah wa al-asha'ira al-dullal, ils rejettent hadha. Pourtant, l'adillah est wadiha. قوله عز وجل أأمنتم من في السماء وقوله وهو القاهر فوق عباده وقول النبي صلى الله عليه وسلم quand il a demandé à Algérie أين الله الذي في السماء قال اعتقها il a accepté il a dit affranchis-la فكم من أدلة جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية وهكذا الإمام الذهبي في كتاب العلو ils ont cité ces أدلة من القرآن ومن السنة ils ont expliqué قال وهو أنه مستوى على عرشه فوق جميع خلقه مباين لهم أي الله سبحانه وتعالى il est pas dans la créature أبدا هذا سنقول خطير tu trouves بعض الزائرين المنحرفين من الملاحدة والمعطلة الزائرين qu'est-ce qu'ils disent ils disent أن الله سبحانه وتعالى il est في القلب il est dans le cœur عيادا بالله quel cœur il y a des milliards de cœurs الآن ils disent que الله سبحانه وتعالى il est partout كيف il est partout يدن بالله il y a des endroits فيها نجاسات il y a des endroits il y a des choses impures pour qu'on fait nos besoins إلى آخره فإسك سأنغلب هذا يدن بالله بعضهم يديس tu dis pas Allah il est au-dessus il est en dessous il est à droite il est à gauche il est dans la création il est en dehors de la création tu dis pas tout ça أي كأن الله سبحانه وتعالى il n'existe pas فهؤلاء ils prétendent adorer هذا الرب هذا الإله العظيم. Et imma ils disent il est dans leur cœur, imma ils disent il est partout, imma ils disent tu dois pas te prononcer fi hadha. بعضهم ينكر بشدة هذه المسألة. بعض أهل البدع quand ils entendent un sunni, un salafi qui suit al-salaf al-salih fi هذا الباب العظيم وفي غيره من أبواب الدين فينكرون بشدة. Pourquoi vous dites qu'Allah il est au-dessus alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a accepté هذا. Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an الرحمن على العرش استوى. L'istawa, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-dessus. Bi-ma'na al-fawqiyya wal-ulu. Falimada inkaru dhalik. Et kadhalik al-fitra wal-aql. Ils prouvent hada. Ou ils acceptent hada. Anna ma min abd, quand ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, il ressent anna où il a besoin de se tourner vers le haut. Personne ne ressent le besoin de regarder son cœur ou de regarder en bas, à droite, à gauche. Là, on est tous attirés par al-ulu. Et on lève nos mains quand on fait du'a. Et كذلك كم من أدلة أن الكلام الطيب أو الكلم الطيب يرفعه الله سبحانه وتعالى et العمل الصالح يرفعه كم et كذلك الله سبحانه وتعالى c'est منزل الكتب c'est lui qui a fait descendre les livres enfin, ça montre أنه il est au-dessus وإلا فpourquoi préciser أنه il a fait descendre s'il n'est pas au-dessus et أدلة كثيرة ذكرها أهل العلم قال وهو مع هذا مطلع على أحوالهم. الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de sa créature بذاته et مع ذلك il connaît tout. Il connaît tout سبحانه وتعالى. أي il est مع العباد. وهو معكم أينما كنتم. صفة المعية الثابتة لله عز وجل. أي العلماء يدسوا بعلمه. جمعا بين الأدلة. الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de son trône et كذلك il est avec les serviteurs avec les êtres humains, il connaît tout, et il est bien. et les voit et les entend. Amma huwa subhanahu wa ta'ala, la shak annahu il est au-dessus de sa créature, au-dessus de son trône, subhanahu. قال مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة. كذلك il est au-dessus de son trône et c'est lui qui gère tout. Il guide qui veut, il égare qui veut, il élève qui veut, il rabaisse qui veut, il donne à qui veut, il prend à qui veut. سبحانه. قال متكلم بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية. نعم صفة الكلام تقدمت معنا كثيرا. فهذا سعلو الذات. فقوله ومن أسمائه الحسنى العلي الأعلى. تستفيد من هذا أن الله عز وجل il est au-dessus de la créature. لماذا؟ لأنه c'est العلي c'est الأعلى. Il ne peut pas avoir une créature au-dessus de lui, donc il est au-dessus de toutes les créatures, au-dessus du trône. Subhanahu wa ta'ala, limadha li'annahu sil'ali sil'a'la. Ça, c'est un sens de l'attribut de l'ulou, et ulou dhat. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il est au-dessus de la créature. Qala wa amma ulou al-qadr. C'est la deuxième partie. Al-ulou, il se divise en trois. Ulou dhat, ulou al-qadr wa sifat, et ulou al-qahr. On est dans la deuxième. قال وأما علو القدر فهو علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق. En avançant dans le livre, vous allez remarquer que beaucoup de ces noms et beaucoup de ces attributs, il y en a chaque nom, il englobe un attribut ou plusieurs, vous allez voir que beaucoup de sens y sont liés. On l'a vu avec l'Ahad et Allah. Allah c'est celui qui mérite l'adoration et l'Ahad c'est celui qui est unique qui mérite l'adoration. Et il est unique, bien sûr, dans ses attributs. L'akhir est comme un taqaddam. Enfin, c'est lié. Huna kadhalika al-ulu. Ou al-ali. Fa min uluwihi ulu al-qadr. Et ulu al-sifat. Qal wa azamatuha fa la yumathiluhu sifatu makhluq. Vous vous rappelez, fil ahad. Annahu, il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Et huna ulu al-qadr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a les sifat parfaites. العلو هنا ذي بمعنى الكمال. يا aucun نقص. Il y en a quelque chose de élevé, ça équivaut à quelque chose de parfait. Quelque chose de bas, en général, ça équivaut à quelque chose d'imparfait. C'est pour ça que العلو c'est toujours cité من باب المدح. C'est pour ça que مثلا الجنة il y a des degrés, des niveaux en hauteur plutôt. نعم des degrés. Et في نار جهنم ils disent درجات en arabe, c'est des niveaux. Et ça va de haut en bas. Plus tu descends, يا دم بالله. Plus le châtiment il est douloureux. Innal munafiqina fi d-dark al-asfali min an-nar. Et fil janna le plus haut degré le firdaus c'est le meilleur niveau. Ou qui seront les prophètes alayhim as-salatu was-salam et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voudra. Hada pour vous montrer anna ma'na al-ulu huna ulu as-sifat ay kamaluha wa 'azmatuha. Qala fala yumathiluhu sifatu makhluq. Limadha? لأن صفة المخلوقين فيها نقص. مثلا الله سبحانه وتعالى il a l'attribut de la vue. C'est le basir. Si tu appliques هذا sa vue عز وجل بصره il est عظيم. Il est parfait. Il n'y a aucune imperfection. Il est آخر. فça c'est من علو الصفات. أما نحن on voit لكن tu ne peux pas tout voir. Tu vois devant toi. Derrière toi tu ne vois pas. كذلك ta vue probablement tu vas avoir 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. À 50, 100 mètres, il a arrêté, tu ne vois plus. Hakada, tu ne peux pas voir les choses, certaines choses, c'est de l'invisible pour toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il connaît tout, il sait tout, il entend tout. Subhana. Qala bal la yaqdiru al-khala'iq kulluhum an yuhitu bi ba'd ma'ani sifatin wahida min sifatih. Qala ta'ala wa la yuhituna bihi 'ilma. Hada taqaddam ma'ana. Et ça, c'est un point important. تقدم معنا في القواعد المثلى أن عقيدة أهل السنة أننا on connaît le sens des attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains, enfin, c'est des vraies mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, enfin, il voit. Allah, il est au-dessus de son trône, enfin, c'est ça veut dire quoi? Au-dessus. لكن الإحاطة بالصفة الإحاطة بالصفة et connaître الصفة من جهة الكيفية etc. فهذا أبدا. فلهذا قال هنا لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة. On connaît أصل المعنى. Allah il a des mains, لكن le sens exact ça va impliquer bien sûr الكيفية. Comment sont ses mains? Est-ce que واحد الآن il peut nous donner le sens exact des mains d'Allah عز وجل? On sait que c'est des mains. ثم قال عز وجل ليس كمثله شيء. On sait que ça ressemble pas aux mains des créatures. أما الإحاطة بالصفة. إحاطة est traduit par cerner. Connaître tous les sens, connaître le kayfiyya, connaître le comment, il a akhiré. فهذا أبدا. قال وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته. النعوت c'est le pluriel de نعت. والنعت c'est الصفة. قال في كل نعوته أي في كل صفاته. وله علو القهر. Troisième catégorie. On a fini le premier. علو الذات. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il est au-dessus de toutes les créatures. الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده. Deuxième صفه, ou plutôt deuxième catégorie, علو القدر والصفه. اي ان les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont parfaits. وله المثل الاعلى عز وجل. المثل هنا c'est بمعنى الوصف الاعلى. اي il n'y a aucune imperfection dans ses sifats. C'est des sifats parfaites. Donc lui-même il est au-dessus, et ça s'est fait que d'aller qu'elles sont au-dessus de toute imperfection, de tout manquement. C'est pour ça que ça fait partie du ulu. Le troisième, قال وله علو القهر فإنه الواحد القهر الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم. وهذا سمعنا عظيم. علو القهر كما قال هنا c'est الواحد كما تقدم معنا le nom précédent. Al-Qahar, ça viendra avec nous, on détaillera هذا الاسم. من أسماء الله عز وجل Al-Qahar. وهو القاهر قال عز وجل فوق عباده. هنا on peut bien sûr expliquer ensemble كلام الشيخ سعدي. قال فإنه الواحد القهر الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم. علو القهر أي tout le monde. Personne sort de الإرادة الكونية. Personne sort min mulkillah. Aïe. Pour vous simplifier, on est tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous tahta hukmillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'un être humain, matalan, il peut décider de vivre plus longtemps? Abadan. Allah, c'est le qahir. Est-ce qu'un être humain, il peut décider de ne plus tomber malade, de ne plus oublier, d'avoir autant d'enfants qu'il veut, d'avoir le risque qu'il veut? Abadan. Abadan. Ce qu'on appelle des ibad, vu'afa. فَقَوْلُهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ أو فَإِنَّهُ الْوَاحِدَ الْقَهَارَ الَّذِي قَهَرَ بِعِزَّتِهِ. وهذا الاسم كذلك سيأتي معنى اسم العزيز صفة العزة. وعلوه الخلق كلهم فنواصيهم بيده. أي الله سبحانه وتعالى يفسكيه. Il élève هذا, il rabaisse هذا, il guide هذا, il égare هذا, il donne à celui-là, il donne moins à celui-là. Il châtie هذا, il récompense هذا. قال وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع. ce que Allah سبحانه وتعالى veut كان ما شاء الله كان. personne ne peut l'empêcher. Allah سبحانه وتعالى s'il décide de guider un tel من الناس ne te fatigue pas, il sera guidé. On doit faire les efforts, لكن on parle مثلا واحد il veut pas qu'un tel soit guidé عياذا بالله. et il fait tout pour le détourner de la vérité. Si Allah il a décidé que Fulan y soit guidé, il sera guidé. Si Allah il a décidé qu'un tel y soit égaré, il sera égaré. Ya am, qul la ilaha illallah. Hakadha kana yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a révélé innaka la tahdi man ahbabt. Allah il veut ce qu'il veut, il a décidé de ne pas guider l'oncle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. L'hikma azima. Allah c'est le hakim, il est juste. Qala وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. ce qu'il ne veut pas, عز وجل, ça n'arrivera pas. كَمْ مِنَ النَّاسِ يُحَاوِلُونَ وَيَشْتَهِدُونَ وَيَذْهَبُونَ هُنَا وَهُنَاكَ. pour certaines choses, Allah il n'a pas décrété, il n'a pas décidé qu'elle arrivera et elle n'arrivera pas. Prends l'exemple, certaines personnes, ils essayent d'avoir des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala قَدَّرَ أن فلان il est عقيم, il est stérile. فبعض الناس ils ont employé des méthodes طب الأعشاب مثلا, les choses naturelles avec des plantes. ils ont été voir le médecin, ils ont fait. Allah il n'a pas قدر et il n'a pas d'enfant. tu trouves واحد c'est l'ex, il arrive à 2, 3, 4 enfants, il ne veut plus avoir d'enfants à cause de certaines choses dans son cœur. et Allah subhanahu wa ta'ala il قدر qu'il a un enfant. Du jour au lendemain, il apprend que sa femme, elle entend un enfant. Allah, il fait ce qu'il veut. Et min hada, tastafid une thamara azima. Annaka place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et fais les asbab. Ou la tut'ib nafsak. Khassatan ma yata'alak bil mustaqbal. Comme min annas, à cause de leur faiblesse fi hada. Ils ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ali, c'est l'a'la. Ou min ulouhi, ulou al-qahr, annahu, il fait ce qu'il veut, ce qu'il a décidé, ça arrive. Ce qu'il ne veut pas, ça n'arrive pas. Et wa'ad annas, yufakkirun dans des projets de 2, 3, 10 ans. Ba'adhum, leurs enfants, ils sont encore tout petits, ils commencent à marcher, ils pensent déjà à son avenir. Et ahyanan, ça le stresse, ça le... Ya akhi taqillah, ma tadri est-ce qu'il va vivre, amla. Apprends-lui son din. Apprends-lui des choses qui vont lui servir vraiment s'il reste en vie. Amma, manger et boire, il va manger et boire comme tout le monde. Les oiseaux, les hacharat, ils mangent. Les insectes, ils mangent. Tu as déjà vu un animal dehors en train de mourir de faim. Hada, c'est nadir. Ça arrive. Les hikmatin min hikamillahi azza wa jalla. Mais en général, alhamdulillah, tous les animaux, ils mangent, ils boivent. Les êtres humains, hein, tu sors, tu vois quelqu'un qui est dehors en train de souffrir de se tordre de faim. Et on ne dit pas que ça n'arrive pas. Mais pour montrer أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض الناس ils ont peur des autres, ils ont peur des djinns, ils ont peur de certains êtres humains, il va me faire. لا تتعب نفسك avec هذه الأفكار. Ça c'est bien le shaitan. Et كذلك c'est à cause, la principale cause, c'est l'ignorance في هذا الباب. On a étudié combien de noms depuis le début, لفظ الجلالة avec اسم الإله, deux noms. ثم deux autres noms, الواحد والأحد, quatre noms. ثم العلي والأعلى deux autres noms, ça fait six noms. Ces six noms, vous avez remarqué, الفوائد عظيمة. Surtout فيما يتعلق بالقلب. Tu dois adorer Allah seul, tu dois placer ta confiance en Allah, tu dois ne craindre personne, tu dois espérer que d'Allah. Nasallahu thabat, si on arrive à continuer à comprendre les autres noms et à les mettre en application, tu verras et tu connaîtras encore plus l'importance de ce sujet. Et on a annoncé à l'Ikhwan, ça ne suffit pas une fois. On va étudier ensemble, bi'idnillahi azza wa jal, ce livre en quelques semaines. Thumma, khalas, on ferme le livre et on n'a plus aucun lien avec hadhihi al-asma. Celui qui lit le Coran, souvent, فَمَا مِنْ صَفْحَا يَدِنُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَفْضَ الْجَلَالَ لَفْضَ الرَّبُ لَفْضَ الْإِلَهَ لَفْضَ الْعَلِيِّ مَا مِنْ صَفْحَا بَلْ رُبَّمَا مَا مِنْ آيَةٍ. C'est rare, tu trouves un verset où il n'y a pas un nom d'Allah. Souvent les versets ils se terminent par wa huwa as-sami'u al-alim, wa huwa as-sami'u al-basir, wa huwa al-hakim. Si tu, après cette étude et quand tu lis le Coran, tu médites sur hadhihi al-asma, ça va te faciliter ta vie. Tu ne vivras plus pareil. Limadha li'anna asma'ullah azza wa jalla. Qala rahimahullah, wa law ijtama'u 'ala man' ma hakamta bih, ma hakamat bihi mashiyatuhu lam yamna'uhu. فضل الله لواسع. C'est pour ça que هذا في الحقيقة c'est un soulagement pour chaque mu'min. Quand واحد veut lui faire du mal, rappelle-toi de هذا. الحاقدون الحاسدون من كفر أو من أهل الشر أو من المنافقين qui veulent faire du mal aux mu'minin, essayer de والله بعضهم il pourrait te couper l'oxygène, il le ferait. من أهل الشر. لكن c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. La vérité, c'est pas que vers Fulan. La vérité, c'est din l'islam, c'est sunnat al-Nabi alayhi salatu salam. Et personne, elle n'est pas réservée que pour un tel. Quand tu réfléchis comme ça et tu connais ces ma'ani, falhamdulillah, ça soulage le mu'min. Et hada al-ma'na, il est mazkour fi hadith ibn Abbas. Walau ijtama'at al-umma ala an yanfa'uk, lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ila akhir. C'est exactement هذه المعنى. وذلك لكمال اقتداره ونفوذ مشيته وشدة افتقار المخلوقات كلهم أو كلها إليه من كل وجه. Ça nous montre أن on est des fuqara, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأنه il est parfait dans ses attributs et c'est lui qui gère tout. Il a علو الذات والصفات والقهر. هذا لا شك que ça pousse العبد à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Allah azza wa jal. C'est l'Ali, c'est l'A'la. Il est au-dessus, il voit tout et c'est lui qui gère tout. Mais demande-lui. Demande-lui et place ta confiance en lui. Amma l'abd, qu'est-ce qu'il va te donner? Qu'est-ce qu'il va t'enlever? Même s'il veut te donner quelque chose ou t'enlever une chose, c'est une cause. Faqat, si Allah il veut, ça arrivera. Si Allah il veut pas, ça arrivera pas. Enfin, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas s'accrocher aux causes. Les causes, c'est des choses qu'on doit faire, bien sûr, tant que ça ne contredit pas notre religion, là, qu'il ne pas s'attacher. La cause, tu l'as fait, ça reste une cause. La cause, ça va être avec ta langue, ça va être avec tes membres. Et ton cœur qui s'accroche à hada al-mu'taqad, à cette croyance qui est fondée sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. قَالَ فَهُوَ الَّذِي عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى وَعَلَى الْمُلْكِ اِحْتَوَى فَهُوَ الَّذِي عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى C'est علو ماذا؟ من عنده جواب؟ علو الذات فَهُوَ الَّذِي عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى أي الله إليه دوسر العرش علو الذات قَالَ وَعَلَى الْمُلْكِ اِحْتَوَى هذا بمعنى أن جميع أن الملك جميعا سلله عز وجل وعلى الملك احتوى أي الله سبحانه وتعالى possède tout et gère tout. C'est الملك, c'est المالك. هذه هي المعنى إن شاء الله تأتي معنا dans اسم الملك والمالك. قال وبجميع صفات العظمة والكبرية والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف إليه فيها المنتهى. Ça c'est علو الصفة والقدر. Donc aujourd'hui, on récapitule, on a pris quatre ismes. Le haqiqa, c'est deux ismes et deux ismes. Chaque deux ismes, ils ont le sens à peu près équivalent. Al-Wahid wal-Ahad, wal-Ali wal-A'la. Al-Wahid wal-Ahad est en Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Fi dhatihi, fi sifatihi, fi asma'ihi, fi sifatihi. Et Allah il est unique dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes. Kadhalik il est unique dans le fait de l'adorer. Enfin, tout ça, ça pousse l'abd à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. À faire des efforts pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ali, al-A'la, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Au-dessus bidhatih. C'est pour ça que vous avez remarqué que fait sujoud. Qu'est-ce qu'on doit dire fi sujoud? Indaman. C'est quoi le dhikr à dire fi sujoud? Al-wajib. Hein? Faddal. Subhana rabbi al-a'la. T'as un dalil en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'a'la. Subhana rabbi al-a'la. Ay, al-rab c'est l'a'la. Ça c'est un dalil en al-a'la, c'est min asma illahi azza wa jal. Vous avez remarqué que c'est un dhikr qu'on dit fi sujoud. Ou l'ulama, on a ici une fa'ida azima. En dans cet état, quand tu es sajid, tu es sajid, la partie la plus noble de l'être humain, c'est son visage. Ce visage, le front, il est collé au sol. Ça, c'est wajib fi sujoud. Et fi hadha al-hal, al-insan, il est fi hadha al-hal, al-sujoud, c'est une position de zul. Et tu te soumets, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadha al-hal, tu dis subhan rabbi al-a'la. Et anta, tu te rabaisses au maximum au sol, tu ne peux pas aller plus bas. Dans n'importe quel endroit que tu es, maintenant dans cette maison, si on demande à quelqu'un d'aller le plus bas possible, enfin tu vas aller dans l'étage le plus bas, seulement on te dit le plus bas possible, enfin tu vas mettre ton corps contre le sol, tu ne peux pas aller plus bas. Dans cette situation, tu cites un Allah, c'est l'A'la, c'est le plus haut. Subhan Rabbi al-A'la. Et que d'ailleurs tu fais ta demande. Aqrab ma yakun l'abd il Allah, que baqa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa sajid. Et via de l'hal, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, c'est une position de soumission, de rabaissement lillahi subhanahu wa ta'ala. Et tu lui demandes. Et tu cites ce nom, subhanahu rabbi al-a'la. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'a'la. Et nous, avec notre faiblesse, il a agri. Enfin, on se rabaisse au maximum. Et on demande. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'a'la, c'est l'ali. Lahu sifat al-ulu, ulu al-dhat. Et kadhalik, ulu al-sifat, ses attributs sont parfaits. Ils sont au-dessus de toute imperfection et manquement. Et كذلك له علو القهر. Et toutes les créatures, elles sont sous l'ordre d'Allah. عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qahir. وهو القاهر فوق عباده. Et tout le monde est soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il fait ce qu'il veut. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق.